your friend, please. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 10 mai, nous souhaitons une bonne fête aux Solanges, ça vient du latin, signifiant solennel. Les Solanges sont des femmes dynamiques qui possèdent beaucoup d'entrain, se montrent joviales, sympathiques, chaleureuses et accueillantes. Elles sont originales et s'intéressent à des sujets divers, tant au plan créatif qu'intellectuel ou plus simplement ludique. Toutefois, comme elles sont hypersensibles, elles peuvent apparaître dans un premier temps réservées, méfiantes, voire inhibées. Leur véritable nature est autoritaire et volontaire, même si leur hyper-émotivité trouble parfois leur équilibre. Cyclothymiques et ayant des réactions vives, elles peuvent se montrer du fait de cette inégalité d'humeur instable ou versatile. Par ailleurs, elles sont nerveuses et excitables, ce qui ne facilite guère leur échange avec les autres. Tantôt repliées sur elles-mêmes, tantôt bavardes et enjouées, il n'est pas toujours facile de saisir leur véritable personnalité. Fières, elles sont partagées entre leur désir de paraître, d'arriver, de diriger leur propre vie et une tendance à rechercher la facilité. D'esprit vif, elles sont critiques, cyniques et sensibles à l'humour. Dicton du jour, on commence avec un dicton qui nous vient du Berry et qui dit « À la Sainte Solange, on sème les haricots ». Autre dicton, c'est à la Sainte Solange que l'on ferme la grange. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la maladie appelée lupus. En Micronésie, c'est la fête annuelle de la Constitution et en France, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Dans les événements qui se sont déroulés un 10 mai, en 1500 3. Christophe Colomb atteignait les îles Caïmans. En 1534, le navigateur Jacques Cartier atteignait Terre-Neuve. Et enfin, en 1994, c'était l'élection à une large majorité de Nelson Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud par la première assemblée multiraciale de l'histoire du pays. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le groupe U2 et leur tube With or Without You. I'm waiting for you. With or Without You, U2 sur RGM, presque 8h38. On parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 10 mai 1933, naissance de Françoise Fabian, actrice française vue dans le film LOL où elle interprétait la grand-mère, un homme et son chien comme les cinq doigts de la main dans le rôle de Suzy Ayoun, le prénom dans le rôle de Françoise ou encore brillantissime dans le rôle de Claire. C'est également l'année de naissance de Jean Becker, réalisateur français à qui l'on doit L'été meurtrier ou encore Les enfants du marais. 1944, naissance de Jim Abrahams, réalisateur, producteur, scénariste américain qui forme avec les frères Zucker le trio ZAZ. Scénariste de Y a-t-il un pilote dans l'avion, Outshots 1 et 2, Scary Movie 4. Réalisateur, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, Outshots 1 et 2. Producteur, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un flic pour sauver le président et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. 1960, naissance de Bono, chanteur du groupe irlandais U2. C'est également l'année de naissance de Bruno Madinier, comédien français connu pour son rôle du juge Bruno Cordier dans la série Les Cordiers jugés flics, vu dans la saga de l'été Le Bleu de l'Océan dans le rôle de Paul Delcourt, la saga Dolmen dans le rôle de Lucas Fersen, Mes amis, mes amours, mes emmerdes dans le rôle d'Olivier Delhomme, et il est apparu également dans plusieurs épisodes de Demain nous appartient où il incarnait le rôle de Raphaël. 1961, naissance de Bruno Volkovitch, acteur français connu pour son rôle de Vincent Fournier dans la série télé PJ, vu dans la saga Méditerranée dans le rôle de Melville Pauly, Garonne dans le rôle de Marc Tursan, Lagardère dans le rôle d'Henri de Lagardère alias Le Bossu, Les Toqués, Les Hommes de l'Ombre dans le rôle de Simon Capita ou encore Léo Mattei, Brigade des Mineurs. 1964, naissance d'Emmanuelle De Vos, comédienne française, vue dans Sur mes lèvres dans le rôle de Carla, récompensée par le César de la meilleure actrice. De battre mon cœur s'est arrêté dans le rôle de Chris, un conte de Noël, à l'origine dans le rôle de Stéphane, la mère de la commune, récompensée par le César de la meilleure actrice dans un second rôle et vue également dans le film Coco avant Chanel. 1965, naissance de Linda Evangelista, ancienne mannequin canadienne. 1969, naissance de Bob Sinclair, DJ français. On s'écoute tout de suite un extrait de son titre tube même, Love Generation. Pour l'extrait donc de Love Generation de Bob Sinclair, et pour tous les fans de télé-réalité, c'était le générique de la Starac. Et oui, il y a quelques années maintenant. Allez, on continue les anniversaires. On va rester en 1969 avec la naissance également de Judson Miles, acteur américain connu pour son rôle de Francis Gage dans la série télé Walker Texas Rangers et vu également dans Bones ou encore Mentalist. 1974, naissance de Sylvain Wiltord, ancien joueur de foot français, ayant fait carrière de 1993 à 2012, ayant joué au Stade Rennais, à Bordeaux, Arsenal, Olympique Lyonnais, de nouveau Stade Rennais, Olympique de Marseille, Metz et Nantes. C'est également l'année de naissance de Doc Gynéco, chanteur-rappeur français. On écoute tout de suite un extrait de son titre « Dans ma rue ». Ma rue est bourrée de vis, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les chinois s'entraident et se tiennent par la main. Les youpins s'éclatent et font des magasins. Et tous les lascars fument sur les mêmes joints. Dans ma rue, c'est une pub pour Benetton. Et tout le monde écoute les mêmes sons à fond. Mangeur de cachère ou de saucisson. Dans ma rue, je suis posé, je marche tranquille dans la ville. J'esquive les civils et reste le patron du style. À chacun sa banlieue, la mienne, je l'aime. Et elle s'appelle le 18e. Voilà pour l'extrait du titre Dans ma rue, donc de Doc Gynéco. On continue les anniversaires. 1980, naissance de Nicolas Touzin, cavalier de concours complet français qui aux Jeux Olympiques a remporté une médaille d'or par équipe. Au championnat d'Europe, il compte 2 médailles d'or individuelles, 3 médailles d'argent par équipe et une médaille de bronze par équipe. C'est également l'année de naissance de Zao, chanteuse algérienne qu'on va écouter dans quelques instants. 1984, naissance de Flavie Péan, actrice française connue pour ses rôles de Victoire Lycée. Elle jouait Mathilde Vasquez dans la série télé Plus belle la vie, vue dans Sous le soleil de Saint-Tropez dans les rôles d'Axel et Marianne, et vue également dans Joséphine Ange Gardien. 1989, naissance de Lindsay Shaw, actrice américaine connue pour son rôle de Paige McCullers dans la série télé Pretty Little Liars. 1995, naissance d'Aya Nakamura, chanteuse française qu'on écoutera en fin d'émission. En 1774, décédé Louis XV, roi de France, du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774, seul roi de France à naître et à mourir au château de Versailles. En 1798, décédé George Vancouver, navigateur britannique, la ville de Vancouver, l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique au Canada, ainsi que la ville de Vancouver dans l'état de Washington et le mont Vancouver à la frontière entre le Yukon et l'Alaska ont été nommés en son honneur. Allez, tout de suite, on écoute Zao avec l'un de ses premiers titres, C'est chelou. Why? Je n'apprécie pas le fait qu'elle vienne chez moi quand je suis pas là. Qu'elle plonge dans mes bras, vêtue de mon propre pyjama. J'apprécie moins le fait que tu guettes mon retour avec ton air suspect. Et dès que je franchis le palais, c'est chéri dans mes bras. C'est quand tu louches. Des fois quand tu prends ta douche, elle appelle et quand c'est moi qui réponds, on est elle me raccroche. Est-ce que je la connais? Quoi? Qu'a-t-elle pu donner de plus que moi? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? C'est chelou cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi sa manière de t'appeler bébé? Tu diras cet aspect que je vais la taper. C'est chelou. Plus que moi, tu mens, je sais quand tu louches. Des fois devant toi, elle bouge. Elle se déhanche et danse. Et toi, tu ouvres grand ta bouche. Dis-moi, est-ce que je la connais? Quoi? Qu'a-t-elle pu donner de plus que moi? Qu'a-t-elle touché? C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi sa manière de t'appeler bébé? Tu diras, c'est assez. Je vais la te dire. C'est chelou, manière de t'appeler bébé. Tu diras c'est ta sœur que je fais la taille. C'est chelou cette façon qu'elle a de te regarder. Pour sa manière de t'appeler bébé. Tu diras c'est ta sœur que je fais la taille. C'est chelou. C'est chelou, Zao, sur le 107 FM. Il est presque 8h49. Il est temps pour nous de parler météo. La météo. Aujourd'hui, ce sera une journée mitigée, alternance d'éclaircies et de pluie, même si on ne devrait pas trop voir franchement le soleil. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés cet après-midi. Samedi sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 12 et 13 degrés prévus pour demain après-midi. Dimanche devrait marquer le retour de quelques éclaircies, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés pour dimanche après-midi. Allez, et on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec du tennis, le tournoi de Madrid et côté messieurs, l'élimination de Jérémy Chardy en 2-7 face à Djokovic, 6-1, 7-6. Gaël Monfils s'est incliné en 3-7 face à Roger Federer, 6-0, 4-6, 7-6. Raphaël Nadal s'est qualifié en 2-7 face à Tiafoe, 6-3, 6-4. Dominique Thiem s'est qualifié en 2-7 face à Fabio Fognini, 6-4, 7-5. Aujourd'hui, Djokovic affrontera Cilic, Federer se repose à Thiem, Nadal à Wawrinka et Alexander Zverev. Bref, à Tsitsipas. Côté féminin, à noter la qualification de Simona Halep en 2-7 face à Barty, 7-5 à 7-5. L'élimination de la tête de série numéro 2, Kvitova, qui s'est inclinée en 2-7 face à Bertens, tête de série numéro 7, 6-2, 6-3. Et à noter l'élimination de la numéro 1 mondiale, Osaka, face à Bencic, elle s'est inclinée en 3-7. Aujourd'hui, Halep affrontera Bencic et Sloane Stephens sera opposée à Bertens. Un mot de football maintenant avec les résultats de l'Europa League et ce sera une finale 100% anglaise là aussi, puisque Arsenal s'est largement imposé à Valence sur le score de 4-2, un but signé Lacazette et un triplé de Aubameyang, et Chelsea a dû attendre les tirs au but pour se qualifier face à Francfort. Finale 100% anglaise en Ligue Europa ainsi qu'en Ligue des Champions, c'est la première fois que 4 clubs d'un même pays sont en finale de ces deux compétitions. En Ligue 1, ce soir Saint-Etienne reçoit Montpellier. Samedi, Angers recevra le Paris Saint-Germain, Amiens, Toulouse, Caen, Reims, Dijon, Strasbourg, Nice, Nantes et Nîmes, Monaco. Et dimanche, Rennes recevra Guingamp, Lille, Bordeaux et on terminera avec un Marseille, Lyon. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit Metz. Metz qui est déjà sacré champion de Ligue 2. En National 2, samedi, Épinal se déplacera pour affronter l'équipe 2 de Lens. En National 3, toujours samedi, Raon-l'Étape recevra l'équipe 2 de Nancy et Étain-les-Vosges se déplacera à Amnéville. En basket, en Pro B, dimanche, Nancy recevra Grise Oberhofen. Et en National 1, dimanche, le Jet Vosges n'aura pas le droit à l'erreur à Tarbes. Un mot de handball, messieurs. Hier, le Paris Saint-Germain a remporté son cinquième titre de champion de France. Et on termine cette actualité avec du hockey sur glace. Ça y est, le championnat du monde débute aujourd'hui avec des affiches plutôt alléchantes. On aura un Finlande-Canada, un Russie-Norvège, République tchèque Suède ou encore États-Unis-Slovaquie. Pour la France, ça débutera demain midi contre le Danemark. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite écouter Aya Nakamura avec son titre « Copine ». Il m'a dit « T'es où ? Je te rejoins en telle. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, t'as ma tête la fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es barré, mais t'en veux encore. Toi, tu crois viser dans le mythe. Faudra trouver un alibi. fraîche, moins rien. La plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Mais tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux la plus bonne, moi, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. Ayana Kamura avec le titre Copine sur RGM, pile 8h55. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, Ours et Carottes. À 11h, Mille et une histoire du tatouage avec Alexandre. 13h30, la rediffusion de la chronique de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aimais, je vous le lis. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 17h30, la rediffusion de Mille et une histoire du tatouage. 20h, ce sera Mosaïque avec François. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Excellente journée et très très bon week-end à tous. Bye bye.